Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 7, du samedi 6 octobre 1883. Page 1, colonne 1. Revue étrangère. Une immense foule, composée d'ouvriers et de gens de basse classe, était réunie samedi dernier à Paris, à la station du chemin de fer du Nord, pour attendre l'arrivée du roi d'Espagne, Alphonse XII, venant de Bruxelles. Il y avait un corps nombreux de cavalerie et d'hommes de police à la station. Le président Grévy, accompagné des membres du cabinet, a rencontré le roi à la station. La foule a hué et sifflé le roi à sa descente du chemin de fer en criant « À bas le roi des Uhlans !» Il y avait un tumulte tel que l'hymne national espagnol, joué par la fanfare, était à peine entendu. Les soldats et la police ont eu beaucoup de peine à maintenir l'ordre. Les maisons, les balcons, le long des rues, suivis par le roi, étaient remplis de monde. Les huées, les cris et les sifflets à l'adresse du roi l'ont accompagné jusqu'à l'ambassade d'Espagne. Cette démonstration hostile du peuple de Paris avait pour cause l'acceptation du roi Alphonse du titre nouveau de colonel d'un régiment de Uhlans pendant sa dernière visite en Allemagne. Le lendemain, le président Grévy s'est rendu auprès du roi pour lui présenter des excuses, au nom du peuple français, au sujet des insultes que lui aurait fait subir la populace. Il lui dit que le peuple français ne devait pas être confondu avec les auteurs de cette manifestation, en le priant de donner à la France une nouvelle preuve de sympathie, en acceptant l'invitation à un banquet à l'Élysée le soir même, où seraient présents tous les membres du gouvernement, et où l'expression des sentiments véritables de la France envers le roi aurait son cours. Le roi a répondu qu'il était arrivé à Paris avec les meilleurs sentiments d'amitié envers la France et que, comme prévu, il acceptait l'invitation. Ce malheureux incident a naturellement donné lieu à des commentaires de la part de la presse parisienne. Le Gaulois a dit que cette démonstration était plus qu'une faute, que c'était un crime. Le Clairon le considère comme un acte de sauvagerie et une honte nationale. Le 19e siècle regrette cette réception hostile. Il aurait préféré que le roi Alphonse eût traversé Paris incognito. « Il ne reste que quelques jours au milieu de nous, » dit-il. « Le seul devoir du peuple de Paris est d'observer strictement les convenances. » L'intransigeant dit que l'Espagne doit savoir que ce n'est pas un Espagnol qu'on a hué en la personne du roi Alphonse, mais un Allemand. Le missionnaire anglais Shaw, à Madagascar, fait tout ce qui dépend de lui pour troubler les bonnes relations qui existent entre les deux gouvernements de France et d'Angleterre. Il se plaint d'avoir été maltraité, mais il ne dit pas à quelle influence les résidents français ont dû leur expulsion de Tenerife et les injures et les menaces d'une fois d'au moins 200 000 personnes à leur sortie de la ville. Ce Shaw a été poussé par un fanatisme regrettable à fomenter une partie des troubles qui ont eu lieu, mais n'ayant pu réussir à son gré, il a le toupet de demander une indemnité de 50 000 $ au gouvernement français. C'est ce qu'il est bien certain de ne jamais obtenir, car on est bien renseigné à Paris sur les faits et gestes de ce tartuffe anglican. À une séance des membres du cabinet français samedi dernier, présidée par M. Grévy, le premier ministre Ferry et M. Chalmel Lacour, ministre des Affaires étrangères, ont fait rapport de l'état actuel des négociations pendantes entre la France et la Chine. L'amiral Perron, ministre de la Marine, a aussi fourni un rapport sur la situation militaire au Tonkin. Il a été décidé de convoquer les chambres pour le 23 du courant et des ordres ont été donnés au dépôt naval à Toulon d'engager 3 compagnies de marins pour le service de la flotte dans les eaux du Tonkin. Tous les vaisseaux de guerre russes, pour le service étranger, ont reçu l'ordre de se concentrer dans une station du nord de l'océan Pacifique. Il y en a qui attribuent ce mouvement à l'intention d'attaquer des vaisseaux allemands dans le Pacifique en cas d'une guerre entre la France et l'Allemagne pendant cet hiver. Nous ne sommes pas de cet avis car on ne commence pas une guerre aux approches de l'hiver. Et si l'épée doit être tirée du fourreau en Europe, ce ne sera qu'au printemps prochain. Et d'après toutes les probabilités, ce sera entre la Russie et l'Autriche que la terrible danse commencera. voici longtemps que dure la crise germano-slave, il est fort possible que se résolve par une conflagration qui mettra aux prises la plupart des puissances militaires du vieux continent. La Russie fait bien de prendre ses précautions car, pendant ces derniers temps, certaines correspondances politiques fabriquées à Berlin ont fait connaître que le chancelier Bismarck avait fait ajourner le conflit astro-russe au prochain équinoxe. Il ne faut donc pas s'étonner si la Russie prend les mesures qui lui sont dictées par la situation. Elle ne fait d'ailleurs que conformer sa conduite à celle de voisins qui se préparent avec ardeur à toutes les éventualités. La politique anglaise ne change pas d'insignifiance. On est tout occupé dans ce pays du procès du meurtrier O'Donnell et de la nomination de Bartholomew Burns comme bourreau public. Le successeur de Marwood est un ancien ouvrier de chemin de fer. Il n'a encore procédé à aucune exécution, mais il dit qu'il a assisté à plusieurs. On croit qu'il aura essayé sa main d'apprenti avec le coup d'O'Donnell.